une nouvelle émeute éclatée dans les cités. Les jeunes maghrébins se sont révoltés. Un jeune homme passé par là, on l'a retrouvé. Et pas un mot dans les journaux. Je suis blanche, tu es pas fait. Je suis blanche, tu es pas fait. Quand j'ai poignardé, je le trouve, on l'a retrouvé. Le meuble sort, il faut le réfliger. Nous devons plus laisser passer ces atrocités. Moi, nous devons faire régner la justice. Je suis blanche, tu es tout à fait. Je suis blanche, tu es tout à fait. Contre ces tueurs, contre ces violeurs, contre ces dealers, contre tous ceux qui en souffrent, la justice doit être rendue. Justice! Justice! Pour nos frères, pour nos fils, pour nos femmes et nos sœurs, la justice nous permettra sans pitié. Désormais plus rien ne doit passer. Il a mis des solutions de proximité. Je suis blanche, tu es tout à fait. Je suis blanche, tu es tout à fait. Je suis blanche, tu es tout à fait. Je suis blanche, tu es tout à fait.